Au travers de l'expertise judiciaire, Jean-Claude Serrero cherche à résoudre l'adéquation entre les pratiques des instances administratives, à qui sont parfois reprochées des carences, et celles des chargés d'affaires de bruit. Jean-Claude Serrero. Quand on a une expertise qui nous est donnée par un tribunal, on a une mission. Et dans cette mission, ce sont des termes juridiques. Par exemple, je lis, constater la réalité des désordres acoustiques et vérifier s'il y a dépassement des inconvénients normaux de voisinage. Donc on voit la normalité apparaître à ce niveau. Ma démarche en tant qu'expert n'est pas du tout comme certains le font, c'est-à-dire tout de suite faire de la mesure, faire l'application de réglementation, application de la norme, application de code d'essai. Je fais toujours une demande auprès des gens pour savoir un petit peu l'origine du litige, de définir les sources de bruit, ce qu'ils entendent, alors que ce soit le faiseur ou le plaignant. Et toujours, on remarque que le bruit est pris comme prétexte de l'action en justice. Et ça, je m'en rends compte de plus en plus. Il est pris comme prétexte parce qu'il y a d'autres litiges sous-jacents, mais qu'il faut découvrir. Alors, on ne le découvre pas parce qu'on est expert acousticien et on n'est pas psychologue. Hein. Donc, il y a cette difficulté. Mais je crois qu'on a tout intérêt quand même à avoir cette approche, disons, pseudo-psychologique. Et très souvent, on dédramatise le problème si on arrive à avoir un dialogue. Le dialogue, des fois, ne se fait pas immédiatement. Hein. Des fois, ça, c'est même plutôt conflictuel. Et quand ça devient conflictuel, je dis, est-ce que vous souhaitez pratiquer des mesures? Alors, suivant les cas, on fait des mesures contradictoires. Mais ce que je souhaite, c'est de faire des mesures unilatérales. Alors, le caractère contradictoire n'y est plus, et ça, juridiquement, c'est très contestable. Mais avant de faire des mesures unilatérales, j'exige des avocats des deux parties qui me fournissent un écrit comme quoi je puisse procéder de la sorte. Alors, ça marche très bien, en général. Et donc, quand vous comparez ce que vous faites contradictoirement avec une autre mesure à l'improviste, vous constatez des différences, vous en doutez bien. Et, mais la difficulté aussi... Et là, je trouve qu'il y a un petit tort dans la présentation des missions d'experts, c'est que le libellé des missions vous donne, par exemple, je le lis, fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues s'il y a lieu. Bon. Alors, en tant qu'expert, on n'a pas le droit de déterminer les responsabilités puisque c'est le juge qui est chargé de trancher. Mais en région parisienne, les magistrats, ils n'aiment pas quand on leur donne pas des pourcentages de responsabilité aux uns et aux autres. Alors, moi, je m'offusque un petit peu sur ce texte-là. Et j'ai proposé à la commission des experts acousticiens d'étudier un petit peu le libellé des missions et de voir s'il n'y a pas lieu de les modifier, parce que ça n'a pas changé d'un iota depuis des années. Mais je dirais qu'il y a un décalage entre le contenu du libellé de la mission et souvent nos interventions, nos opérations d'expertise. J'ai eu le cas d'une expertise concernant deux pavillons qui étaient séparés de 50 cm, grosso modo. Donc, au point de vue acoustique, il ne devrait pas y avoir de problème. Et la personne avait fait procéder dans sa chambre à des travaux par des entreprises un peu douteuses pour ne plus entendre les bruits des ébats amoureux des voisins. Elle a donc fait une action en justice. Et cette action en justice, il y a eu une mission qui a été donnée à un expert. Bon, c'est tombé sur moi. Bon, j'ai pas eu de chance. Mais j'ai donc fait la mission, je l'ai suivie point par point. Donc il faut faire des mesures. Et les mesures... alors déjà, les mesures contradictoires, c'est impossible. Donc j'ai fait des mesures à l'improviste. Puisqu'il fallait quand même saisir le phénomène sonore pour savoir si c'était bien fondé. Et c'est vrai que, bon, elle connaissait les habitudes du jeune couple, donc on a pu capter le bruit, et qui était effectivement très dépassant les normes, si on peut appeler ça norme. Et que finalement, moi, j'ai fait un rapport de constat montrant bien le bien fondé de la plaignante. Mais malgré tout, comme on a les dossiers en main, je me suis rendu compte, parce qu'il fallait que j'explique au tribunal pourquoi ça passait, puisque les pavillons étaient séparés. Et grâce au plan d'architecte et au cadastre, etc., on s'était rendu compte que le pavillon où il y avait les jeunes couples, la semelle de fondation était commune avec le pavillon qui était de l'ancienne époque, où on faisait des semelles de fondation très très larges. Et donc, l'autre pavillon à côté s'appuyait sur ces fondations, et donc la transmission se faisait sur l'hygiène. Mais c'est pour vous dire qu'il y a eu un conflit énorme au point de vue dialogue entre cette dame et ce jeune couple qui ne comprenait pas pourquoi ils étaient attaqués en justice, ils avaient une vie normale, etc. Et qu'elle-même, elle se justifiait en disant « Mais vous comprenez, bon, vous me gênez, mais j'ai essayé de faire le nécessaire, j'ai dépensé de l'argent, etc. Moi, je veux la cessation du trou. Bon. » Donc, on ne pouvait pas quand même faire arrêter le trou comme ça. Moi, je ne connais pas de normalité, je ne connais pas de code d'essai. Mais toujours est-il qu'au vu de mon rapport, le tribunal a jugé et il lui a donné raison. Et il lui a donné raison, elle a eu des dommages à intérêt. Et le tribunal a décidé la démolition du pavillon. Ce qui est grave, à mon sens. Pour des ébats amoureux, ça va loin. Donc, le couple en question s'est trouvé un petit peu accablé, etc. Mais ils avaient un argument technique, alors pour une fois, technique, d'attaquer leur promoteur. Ce qu'ils ont fait, et ils ont gagné. Mais voyez comme quoi, j'ai eu un conflit tout au long des opérations d'expertise sur ce cas-là, bon, qui est un peu anecdotique, mais qui est triste en finale, si je puis dire. Et ça vient aussi un petit peu de ce que la mission était mal libellée. En conclusion de son intervention, Jean-Claude Serrero évoque une affaire d'un type nouveau. Elle concerne un référé préventif pris à l'occasion de la construction d'une autoroute avant même qu'elle ne soit mise en service. D'ordinaire, le bruit existe. Ici, les gens se prémunissent auprès de la DDE contre une nuisance à venir. Affaire en cours.